Les amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée. Il fait froid et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris sont étendus dans la neige sur le trottoir. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas aller conduire quelque part », nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. Ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. » De la place pour les vivants, il faudrait en faire encore. 2012 années du changement, nos politiciens font des efforts. Des célébrités se sont données, dont l'enfoiré Coluche et puis Pierre Labbé. Ils ont réchauffé et surtout nourri des nécessiteux, des pauvres et des sans-abri. Mais que voit-on aujourd'hui? Des fossés qui se creusent, une France qui s'appauvrit, des politiques belliqueuses, l'industrie qui s'enfuit, adieu nos mains calleuses, des grands groupes font des profits et nos vies deviennent plus coûteuses. Avec deux emplois, a du mal à boucler les fins de mois. Pour nous faire taire, c'est vraiment très facile. On nous offre des objets et programmes futiles. On vit dans un état prétendu solidaire, mais les marchés, taxation, répression nous enterrent. Nous sommes désormais dans la même galère. Je nous qualifierai de pauvres frères. Les bobos et les riches loyaux, unité nécessaire pour défendre nos boyaux. Il y a beaucoup d'abus dans la solidarité, conduit dans sa tombe s'en retournerait. Beaucoup de personnes qui sont très haut placées, sous prétexte de bonté, sont bien moins taxées.